Et maintenant, revenons à nos longueurs de piscine. Donc, à l'imparfait. C'est le temps qui finit en ABBA et IA. ABBA et IA. C'est ça. ABBA ou IA. ABBA ou IA. Donc, j'attendais, se dit. Esperaba. D'accord. Esperaba. Alors, je vous attendais. Vous vous adressez à usted. Le esperaba. Le esperaba. Et je t'attendais. Te esperaba. Te esperaba. C'est ça. Il m'attendait. Me esperaba. Bien. Me esperaba. Donc, pour les longueurs de piscine, donc à l'imparfait, on a ABBA ou IA. Alors, si vous voulez dire « je le faisais », ça sera Asaba, non, hacía. Hacía, hacía, et rien de particulier à signaler. C'est parfaitement régulier. Donc, lo hacía. Et je vous disais, a usted. Le decía. Le decía. Le decía. Le decía. Hein? Donc, ça, c'est le temps des longueurs de piscine. L'imparfait. Comme on l'a vu, les temps de longueur servent à exprimer une action qui se répète dans le passé. C'est comme une ligne discontinue dans le passé. Par exemple, pour dire « je faisais du jogging tous les jours » ou « assez souvent », etc., on emploiera « hacía ». Mais ça peut aussi servir à exprimer une ligne continue dans le passé. Elle peut être longue ou courte, peu importe. Par exemple, quand vous dites « je faisais telle ou telle chose » quand le téléphone a sonné. « Je faisais »« hacía » c'est une ligne continue. Ce n'est pas la même chose que « hice ». Alors, il le faisait tous les jours. Ça sera « lo hacía ». Bien, « lo hacía ». Lo hacía todos los días. Lo hacía todos los días. Alors, une fois de plus, comment direz-vous il parle? Hable. Encore une fois? Hable. Oui, mais je voudrais l'entendre plus clairement. Hable. Hable. J'ai bien compris qu'on est au présent. Mais je n'ai pas bien entendu qui parle. Habla. Bien. Cette fois, c'était bien clair. Habla. En espagnol, tous les sons voyelles doivent toujours être prononcés très clairement. Parce que si vous dites « hable », je ne sais pas si vous voulez dire « habla » ou « hable ». Or, « hable » peut vouloir dire « parler ». C'est un ordre dans ce cas. Comment direz-vous « il parlait » ?« Hablaba ». ».« Hablaba ». Donc là, on a « aba » et « ia » qui permet d'exprimer une ligne continue ou discontinue dans le passé. Ce n'est pas la même chose que de dire « il a parlé avec lui ce matin ». Là, c'est un point. Un point sur notre ligne du passé. Alors, comment direz-vous « il a parlé avec lui » au passé sans plongeoir. On revient à notre cha-cha-cha. Ah oui, hablo. D'accord, hablo. Ça, c'est un point sur notre ligne du passé. Habló con él. Tandis que il parlait avec lui très souvent, tous les jours, c'est hablaba. Bien, hablaba. Il parlait. Il parlait souvent, tous les jours. À distinguer de habló. Il a parlé. Ce matin, par exemple. On fait ici la différence entre la ligne du passé, hablaba, et un point sur cette ligne du passé. Hablo. Le passé qui sert à exprimer ce point sur notre ligne, c'est notre passé sans plongeoir. Mais maintenant, je propose de l'appeler le passé du point, pour bien faire la différence avec le temps des longueurs, qui est cette ligne du passé. Eh bien, pour ce passé du point, on a E et O, I et IO. Sauf dans le cas des verbes qui appartiennent au club des verbes gogo. auquel je voudrais revenir à nouveau. Faire se dit hacer. Hacer. Mais je l'ai fait au passé du point, c'est-à-dire à notre passé sans plongeoir. Lo hací. Lo hací. Je l'ai fait au passé du point, au passé sans plongeoir. Lo hice. Hice. H-I-C-E. C'est ça. Lo hice. Lo hice, c'est je l'ai fait, à la forme simple du passé. Donc, sans plongeoir. C'est un point sur la ligne du passé. Il l'a fait hier. Il l'a fait, au passé du point. Hizo, lo hizo. Encore une fois. Lo hizo. Lo hizo, d'accord. Lo hizo ayer. Mais, il le faisait tous les jours, souvent. Là, c'est une ligne discontinue. Et ça sera donc lo hacía. Lo hacía. Il m'a dit. Au passé du point, c'est me dijo. Me dijo. Tandis que il me disait, il me disait tous les jours la même chose. Me decía. D'accord. Me decía. Me decía. Comment dit-on « il l'a mis ici » au passé du point ? Lo puse. Ça c'est « je l'ai mis ». Alors, il l'a mis Lo puso. Lo puso. Lo puso a qui ? Il l'a mis ici. Et si vous voulez dire « il le mettait tous les jours au même endroit ». Lo podría todos los días. Non. Lo podría, ça veut dire il pourrait. C'est le verbe poder. Ah oui. Pouvoir. Pouvoir au conditionnel, avec ria. Mais il le mettait, c'est le verbe poner. Poner. Poner, c'est le verbe mettre. D'accord. Et maintenant, pour dire il mettait, c'est facile, car c'est parfaitement régulier. Ponía. Oui, donc, lo ponía todos los días. Lo ponía todos los días. Comment dit-on? Il m'a dit. Il m'a dit au passé sans plongeoir. C'est un point dans le passé. Me dijo. C'est ça, me dijo. Mais il me disait, et là, c'est une ligne dans le passé. Me decía. Me decía. C'est ça, il me disait tout le temps, très souvent, me decía.